Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 17 courant aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée du fait que le sommet Asie-Europe a récemment publié la déclaration de la présidence critiquant notre pays. En voici le résumé. Le 16 dernier, le 11e sommet Asie-Europe a dénaturé dans sa déclaration de la présidence le renforcement de notre dissuasion nucléaire comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et une menace à la paix et à la sécurité de la région et du monde afin de nous calomnier à tort et à travers. C'est une conduite téméraire aggravant davantage la situation dans la péninsule coréenne car elle prend le parti de la campagne extrémiste américaine contre notre République. Il est de notoriété publique que les États-Unis sont l'auteur qui fomente les dangers de guerre nucléaire prête à éclater et détruit la paix et la sécurité dans la région et le reste du monde. À l'heure actuelle, les États-Unis introduisent successivement en Corée du Sud les moyens de frappe nucléaire stratégique et les équipements de guerre de pointe de toutes sortes, tels que les sous-marins nucléaires, les escadrilles de bombardiers stratégiques et SAD, et livrent sans discontinuer les exercices de guerre nucléaire, tout en amenant les nuages noirs de la guerre nucléaire. En plus, sans se contenter de violer la souveraineté et le droit à l'existence de notre pays et d'essayer de nous isoler et de nous étouffer, il s'affaire ces derniers jours à la campagne de sanctions sans précédent en accusant même notre dignité suprême. Notre détention de la puissante dissuasion nucléaire et son développement sur le plan qualitatif et quantitatif sont une mesure juste prise face à la politique d'austérité frénétique et à la menace nucléaire des États-Unis croissante au fil des jours. Nos militaires et civils raffermissent actuellement la volonté d'exterminer les diktats, despotismes et monnaies de pression militaire des forces hostiles, en premier lieu des États-Unis, par la riposte ultra-dure résolue. Quoi qu'en disent les autres, nous avancerons tout droit suivant la voie invariable de l'indépendance, du Sungun et du socialisme, et nous œuvrerons dynamiquement pour réaliser la justice internationale authentique par la force de l'indépendance et du nucléaire.